in terrible trouble. Défaut d'avoir autre chose dans les veines que de la haine et de la peine. Faut que je m'abstienne, me soumette à ne pas en faire qu'à ma tête. Jusqu'à ce que ces lignes me viennent sur demande. Car quoi qu'on y fasse, elles m'apprennent à prendre les rênes. Dans le but que cette vie soit mienne, j'y inscrive mon insigne grâce à mon enseigne. Rien n'évoque plus la colère, mon emblème, que les gens qui n'assument pas leur apparence ou leur instinct qualifié pour certains de sens corporel. L'essentiel est de ne pas sombrer dans l'irréel. Trop de souvenirs me manquent à la peine. Depuis me mente et me saigne, je soigne ces dilemmes en semant ces quelques lignes sur scène. Essayant de quitter, de retomber dans l'arène. Espérant un jour trouver la mienne, celle qui sera à faire évacuer ma peine. Pas forcément toute ma haine, mais bon, l'habitude que les problèmes s'enchaînent. Chaque jour avec certitude, font que certains traitent cette vie de chienne. Relativise et comprenne ce qu'est la sérénité. Mais moi, ce qui me permet en réalité de faire la part des choses, permet de me sentir bien, de développer la franchise afin de rendre cette vie moins morose. La sincérité permet de faire qu'on avance avec célérité pour s'éloigner et combattre la célébrité. Chose dont je n'ai totalement rien à carrer. À vrai dire, on est tous plongés dans la même merde. On vient tous de la même terre, on essaie tous de s'en sortir indemne. En tout cas, je parle pour mes frères, ceux qui aiment la chair malgré les œdèmes. Mandarin dans l'âme, essayant de faire tandem pour se sortir des selles. En salle de cours, une odeur nauséabonde parcourt l'air. L'art d'être toujours à payer pour les autres, j'en ai marre de m'y soumettre. J'en ai marre d'encaisser les problèmes avec ma face blême. J'essaye de dissiper l'attention que je porte à cette plaie ouverte, à cette planète qui souffre à mon avis plus du fait de voir créer des gens malhonnêtes avec eux-mêmes que des fêtards qui nous rend pourtant lui-même la vie amère. Tant pis pour eux, ça m'ouvre les portes du paradis sur terre. D'où j'ai su transcrire cet extrait, énoncé de penser, affranchir mes textes du contexte, celui qui est magnifiquement étoilé. Les manier avec finesse doigtée afin de prouver que si je persévère, c'est pour augmenter la puissance de mes vers et diminuer la nuisance de leur dire sa vérité. D'ailleurs, si je m'exprime comme un amoureux de la rime pour décrire tout ce qui m'horripile, tout ce que je trouve horrible, scène de crime, homicide, viol, génocide, pédophile et suicide qui suscite une aide active, c'est qu'en fait c'est elle qui attise, revitalise cette flamme, ce feu primordial, vital qui brûle pour mon âme. Depuis que celle-ci brille, s'illumine et condamne tous ceux qui proclament qu'un tel programme, je suis amour une faille alors que tellement de monde l'acclame. Ils déclarent même que cet art est indispensable pour leur mental, tel un Beretta, puisqu'aucun homme normal n'alterne les coups de feu portés par cette arme sans gilet pare-balles, sans égal, nous libère d'un quotidien instable. Parce que sans repère ni but, cela nous permet d'être capable de tracer notre route sans oublier de laisser au passage un message qui leur dirait mot pour mot qu'ils aillent se faire foutre. À un moment donné, j'ai cru que j'étais fou. Plus tard, j'ai su que c'était vous qui rendriez cette vie fou, fourbe et imprévisible, qui s'arrangerait pour enfouir vos poches jusqu'au départ comme nous, elles étaient vides. Vous n'étiez rien pour moi, à part qu'une bande de débiles, cupides, habiles de pouvoir, tout le contraire de David. Quand tu l'affrontes à Goliath, il y a toute une ville. Au détriment de sa vie, la tragédie se reproduit, les gremlins se multiplient. Au contact des produits liquides, boost au contact, tout fric et vie. La seule chose qui moi m'anime, c'est un big in feuille. Pas celle qui se met dans les portefeuilles, mais celle qui me permet d'écrire ce recueil. Alors regarde aux gestes malhabiles et cupides, ils sont inutiles, futiles. Hostiles, instables, installent leur style, se distille. Quand je combine mes larmes et mon style au bille, je deviens l'arme du crime. Maintenant devine le mobile qui fait que j'écris ces rimes, écris la scène, tu l'imagines. C'est si simple, la réalité dépasse de loin, c'est des films. Alors qu'hélas, là, c'est impossible de couper, copier ou modifier ces passages à vide. Soit t'arrives ou sorti, faut que tu laisses les lignes comme un ennemi qui te file. Sinon sera toujours la même merde qui rendra tout jamais tes souhaits inaccessibles. Celui d'une vie moins pénible, avec moins de ratures et sans brassage. Et ici, que quoi qu'on en dise, nous font partir en vrille. Indigne de leur venue, la plupart des enfants qui à l'époque étaient encore connus comme étant innocents ont vu leur jeunesse gâchée par de tendres moments de souffrance en silence, dans lesquels ils ont pu prendre conscience involontairement du maniement des âmes. Tel celui des grenades, des coups de grenades s'échappent déjà, tu flippes comme mat. Face à la mort, rien ne sert de jouer le Mac. C'est dur d'affronter ses erreurs, mais dans ce cas, y'a aucun recours. Alors à toi d'en faire ta force, pour surmonter cet obstacle. Car à chaque attaque, une technique différente qui permet de répondre selon leurs attentes. Attendre d'atteindre 20 ans, pour comprendre ses instants, pour apprendre et se rendre compte que ses instincts sont bien loin de ses attentes. Que le destin est bien loin de nous dire ce qui nous attend en prochaine étreinte. M'étrangle la force de mes craintes, elle me tente, je me tape et décide de me rendre à l'évidence et de prendre l'avance d'un esprit dément comme il vient au lieu de me dire comme certains que sous mon observation peut-être il la rentre.